Ok, ok. Si, si. Remix. Woo. Écoute ça. L'ASB. À l'état pur. Tout pour la raille. Boycott. Tout pour la raille. Si, si. J'ai rêvé les bras tendus, crois pas que t'as attendu. Le rap m'a rendu nerveux en père étendu. C'est tendu, boycottage, ma vie mon otage. J'ai passé le stage avec pension, la rue me doit une pension. Attention au putain qui arrive en fin de vie. Tu veux mon putain, sale putain, dis-toi bien que je suis buté. Le rat toi si tu veux planter. Boycotte la rue, boycotte les boîtes. Boycotte, ça des boîtes à coûte là, coûte là. Pleurer sur son sort, le petit oiseau est sorti. Et l'osophage est rempli. Boycotte la rate, je pisse sur tous ces putes gadgets. Je boycotte, cote comme le son garçon. Y'a pas que les petits poissons qui mordent dans l'hameçon. Première leçon, je pète tout en attention. Quand t'es mon impression, je monte dans le caisson. Dis-moi quelles sont si bonnes que la basse résonne dans ton caleçon. Je boycotte toute la race humaine. Ah, je boycotte ton style de merde. Ah, je boycotte tous ces trucs de merde. Ah, bah, tu pousses sa mère. Je boycotte toute la race humaine. Ah, je boycotte ton style de merde. Ah, je boycotte tous ces trucs de merde. Ah, bah, tu pousses sa mère. Si, si, je boycotte. L'aspect pour le deuxième couplet. Que des rimes à l'état pur, si si, ok. J'boycotte toutes ces merdes qui passent en boîte. Que les clubbers se doigtent, moi je les déboîte. Ça passe son temps à se branler sur Sky ou XXL. Rajoute du pixel, ouais j'sais, mon flow excel. Et ouais frère, faut du flouze et fissa, j'nique ça. Surprise Bella, sale somme, te déroutage, cool bouta. Ta sixième grand-mère, hiro des bouta. J'boycotte ceux qui parlent mal de moi. Va sucer tes putes en enfer. Moi mon pute et mon pute sont à faire. Laisse-moi faire mes affaires, frère. J'déraille en pleine ferraille, ma mentalité risque de faire mal. T'as ceux qui regardent et ceux qui font mal. Oh, Jersey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.